Jean Lebrun, le vif de l'histoire, le traditionnel banquet Nobel qui rassemble les lauréats de l'année ne se tiendra pas cette semaine à Stockholm à cause de la pandémie. Les diplômes seront remis aux lauréats de l'année dans leurs pays respectifs. Et vous nous faites aujourd'hui imaginer une scène improbable, Freud recevant le Nobel des autorités d'Autriche qu'il n'aimait guère. Oui, et remis peut-être par l'ambassadeur de Suède, mais ça n'aurait pas été mieux. Freud nobelisé, c'est une histoire impossible. Marlène Bellilos présente un petit livre collectif qui compte les mésaventures du bon professeur Sigmund et de ses amis qui espérèrent en vain la suprême récompense un nombre incalculable de fois entre les deux guerres. C'est le prix de physiologie et de médecine qui a été visé d'abord. Une assemblée tournante, issue du grand hôpital de Stockholm, le Karolinska Instituten, assurait le choix, comme aujourd'hui, et quelques grands professeurs firent son siège avec ténacité. Un lobby plus mondain les assistait, animé notamment par la protectrice de Freud dans le Gotha européen, l'inénarrable princesse Marie Bonaparte. Mais rien n'y fait. La haute société médicale de la capitale suédoise demeure hostile à la psychanalyse. Le mental en soi inconscient, traversé d'instincts sexuels, mes adversaires ne l'accepteront jamais, observe Freud. Albert Einstein, qui n'en est pas un, exprime lui-même son doute fondé sur la traditionnelle démarcation des disciplines. En quoi, demande-t-il, l'œuvre même géniale d'un psychologue pourrait-elle se situer dans le champ du Nobel de médecine ? Freud réagit en fataliste. « Oh, cher ami Einstein, je savais depuis toujours que vous ne m'admiriez que poliment. » Et il lui souhaite de vivre assez longtemps pour changer d'avis. Quant au ponte qui lui ferme la porte, Freud n'espère plus, les échecs et les années s'accumulant, tenir jusqu'à ce qu'il passe de vie à trépas. C'est joli, admirer poliment. En fait, une vraie question que j'en ai été posée, est-ce que la psychanalyse est une science ? Ses praticiens aujourd'hui ne l'affirment plus, ils la présentent simplement comme un savoir qui se construit dans l'expérience du réel, mais Freud portait son pavillon plus haut. Il espérait que tout en faisant reculer l'ombre de la religion, elle atteindrait des vérités fondamentales. Encore fallait-il suffisamment d'exemples, de preuves. Bon, mais il n'y a pas que le Nobel de la médecine. Le Nobel de médecine, il y en a d'autres. Oui, il y a l'idée du Nobel de la paix qui est caressée en 38 par certains des partisans de Freud qui vient d'être chassé d'Autriche par l'Anschluss qui a amené les nazis à Vienne. Et puis, il y a le Nobel de littérature. Alors, à 82 ans, ruiné par l'exil, Freud serait content de toucher la dotation, mais il voit bien qu'une récompense littéraire confirmerait qu'il n'est pas un savant. Mais c'est pas cette réserve qui peut empêcher d'agir. Marie Bonaparte, à Vienne en 38, elle s'est tenue dans l'escalier de Freud pour empêcher les jeunes nazis de pénétrer chez son maître et de son hôtel particulier. Elle agite tout son petit monde, à commencer par Romain Rolland. Toujours en vain, Freud va renoncer définitivement l'été 38, ajoutant « Ma fille Anna n'aura jamais à aller chercher le prix ». Cette année, ceux et celles qui ont la chance d'avoir été distingués ne pourront pas rejoindre Stockholm. Ben, vous connaissez la parabole de Saint-Simon, le socialiste, qui avait imaginé un accident qui balayait toute l'élite mondiale des savants vivants. La cata absolue. Eh bien, le banquet Nobel dans la salle bleue de Stockholm, c'est plus de 1200 personnes. Vous voyez d'ici l'hécatombe si, par malheur, donc pas de caviar de Calix, ni de Girolles de la Forêt, ni de Françoise de Trelleborg. Simplement, en plein air, dans la ville, toutes sortes de propositions lumineuses, un peu comme à Lyon hier. L'une d'elles reprend une phrase d'Albert Camus, « Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière ». Alors, à ce propos, souhaitons que sorte de l'ombre certaines archives des comités Nobel. Marlène Bellilos s'est vu refuser par deux fois l'accès aux documents qui auraient pu expliquer les raisons mises en avant pour barrer la route à Freud. Oui, Marlène Bellilos qui a piloté ce livre, Le Nobel et Freud, une histoire impossible, édité par Michel de Maulle. France Inter.